Mungu atubariki. Amena. Amena. Dans la joie. Eti tuko katika furaha. Y a beaucoup de frères qui m'ont dit de vous saluer. Voilà pourquoi j'ai écrit ça ici. Ah, kuku banduku mingi baniambia nimisalimie na aliandika hiyo hapa. Pour ne pas oublier. Juni shisabu. Y a le frère Pierre Mulamba. Kuku nduku Pierre Mulamba. Prédicateur à Nimubiri ku sur la route qui mène vers Kasumbalesa. Ah, nduku mubiri munjia ya Kasumbalesa. Le frère Edouard, associé de Fungurume. Nanduku Edouard, ni pasteur mufuasi ufungurume. Le frère Roger Kwabi. Nduku Roger Kwabi. Frère Isaac Malou. Nduku Isaac Malou. Frère Sera, associé à Kakanda. Nduku Sera, ni mufuasi kule Kakanda. Et le frère Rigen Kalala, prédicateur à Kalukuluku. Nanduku Rigen Kalala, ni mubiri kule Kalukuluku. Et beaucoup d'autres frères. Nabanduku bengine. Tous m'ont chargé de vous saluer au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bote baliniambia nimisalimie mungina wetu ya Bwana Yesu Kristo. Moi aussi je vous salue ce soir. Na mimi pia namisalimia mangaribi ya leo. Mungu amibariki. Tuko na furaha. Sommes-nous dans la joie? Tushimame bote. Mettons-nous debout tous. Prenons Genèse. Tuchugue kitabu yetu ya mwanzo. Genèse 22. Mwanzo sura ya makumi mbili na mbili. Verset 7. Musari ya saba. Alors Isaac parla à Abraham son père. Basi Isaka akamwambia baba yake. Di. Na kusema. Mon père. Baba yangu. Et il répondit. Na yakajibu. Et voici mon fils. Mi uyu mwana wangu. Isaac reprit. Isaka akajibu tena. Voici les feux et les bois. Tazama moto na nkuni. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Sasa, mwana kondo juu ya zabihu, eko wapi? Abraham me répondit. Ibrahim akajibu. Mon fils. Mwana wangu. Dieu pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Mungu ye mwenyewe atadiangaikia mwana kondo juu ya zabihu. Amen. Amina. Pouvez vous asseoir. Munawezi kuikala. Prenons Malachi chapitre 3. Tuchugue Malachi sura ya tatu. Lavoli la vaillère. Tu resoma pale jana. Lisons encore aujourd'hui. Tu somme tena leo. Là où nous avons lu. Pale tu resoma. Un homme trompe-t-il Dieu? Eti mutu anaweza kumdanganya Mungu? Amen. Amena. Un homme. Eti mutu. Trompe-t-il Dieu? Anaweza kweli kumlongofia Mungu? Car vous me trompez. Wani munanidanganya. Et vous dites. Na munasema. En quoi t'avons-nous trompé? Tunakudanganya mbitu gani? Amen. Amena. Dans les dîmes, Mumachekumi, et les offrandes. Na masadaka. Nous sommes en train de parler sur un petit sujet. Tukunasemea kuhusu shina kidogo ya maubiri. Dieu a pourvu à une voie. Mungu alitayarisha njia moya. Dans toutes choses. Mubintu biote. Dieu a pourvu à une voie. Mungu alitayarisha monjia. Le problème de la bénédiction. Mambo ya baraka. C'est pas un problème du Saint-Esprit. Aina mambo ya Roho Mtakatifu. Il y a des païens. Kuku bapagano. Qui n'ont pas le Saint-Esprit. Bashipo kuwa na Roho Mtakatifu. Mais ils sont bénis plus que nous. Alakini wanabarikiwa kutushindia. Le problème de la bénédiction. Mambo ya baraka mwili. C'est pas le Saint-Esprit. Aina mambo ya kuwa na Roho Mtakatifu. C'est le problème de mettre Dieu en épreuve. Ni mambo ya kumupima Mungu. Kumjaribu. Même si tu ne dis pas amen, tu écoutes, non? Hata kama usema amina, si unasikia, ni mzuri. Mais dis-moi, tu écoutes bien. Alakini unasikia mzuri. Unasikia mzuri, na? Vous avez bien entendu. C'est pas un problème du Saint-Esprit. Aina mambo akuwa na Roho Mtakatifu. Non, frère, vous voyez, frère. Hapana nduku unaona. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Mimi kuna Roho Mtakatifu. Oh, j'ai le Saint-Esprit. Ndiyo, kuna Roho Mtakatifu. On ne refuse pas. Atukatale. Mais après avoir le Saint-Esprit. Kisha wewe kupokea Roho Mtakatifu. Ton ventre là va demander, non? Tumbo yako, shita kulomba. Tu es habillé en chemise, non? Ne, si unavaa la chemise. J'ai le Saint-Esprit, non? Shuku na Roho Mtakatifu. Tu achètes la chemise, non? Na unauza, utauza chemise? Amen. Amina. On a le Saint-Esprit. Ntuku na Roho Mtakatifu. Mais pour qu'on prêche ici. Dieu atupate kuhubiri. Le micro doit être là. Micro inapashi kuweko. Pour que tu viennes à l'église. Dieu upate kwa kanisa. Tu dois avoir le transport. Unapashi kuwa na fedha kulipa transport. Mais tu as dit moi le Saint-Esprit. Ata vile uko na Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Dieu a pourvu à une voie. Mungu alitayarisha njia. Dans toutes choses. Bintu biote. Dieu a pourvu à une voie. Mungu alitayarisha njia. Pour aller au ciel, pawe kwenda kumbingu, ya ini vua. Kuku njia fulani. Pour être béni, jawe kubarikiwa, ya ini vua. Nako tena kuku njia. En dehors de cette voie ici, inje ya injia, au moins que tu aies des fétiches. Même si tu as des fétiches, le diable aussi a tracé une voie pour ça. Na yarita pasula njia juu ya vile. Même pour les gens qui ont des fétiches, ata bantu benye kwa na madawa, le diable Shetani a pourvu à une voie pour eux. Njia juu ya bobo. Non pour avoir l'argent, tu dois manger les caca. Una pasukula mabuchafu. C'est une voie. Na yo ni njia. Que le diable a pourvu le pour eux. Maintenant nous, sasa sisi, en état croyant, en état chrétien, Dieu a pourvu à une voie. Mungu alitutarishia njia. Amen. Amina. Ametie écoute, non? Na shunda sikia. Frère, je suis croyant. Ndukuni kumwaminifu. Ikambove tabernacle. Wa mukambove tabernacle. Un croyant. Mwaminifu. Qui est croyant d'abord? Mwaminifu ni nani? C'est celui qui vient à l'église. Ni ule kuna kwa kanisa. Chaque jour. Kila siku. Un. Kya kwanza. Celui qui soutient son église. Ule kuna saidia kanisa yake. De. Kya pili. Amen. Amina. C'est lui qui paye ses dîmes. Ule kuna lipa machekumi yake. Dans l'église où il adore. Mukanisa mule kuna abudu. Voilà celui qui soutient son église. Quatre. Voilà celui qui est considéré comme membre de cette église. Amen. Amina. Amen. Amen. Quand on choisit l'église, wakati unachagua kanisa, on ne choisit pas les murs. Hatuchaguake bibi nyumba ukuta pana. Si tu crois que tu es membre de cette église, kama unaamini sasa kumemba wa kanisa, tu as choisi la doctrine qu'on croit ici. Manake unachagua ni mafundisho ya msingi tunaamini hapa. Le frère Ngoindai. Na unamchagua ndugu Ngoindai. Comme ton pasteur. Sawa kiongozi wako pastori wako. Quand on choisit l'église, wakati unachagua kanisa, hatujaguake majengo. Kwanza ni kuchagua pastori. Na bile wanaamini mwile kanisa. Hawezi kuwa memba hapa. Na lakini unaamini mingurume akufunuliwa. Hawezi kuwa memba hapa. Unaamini asema tuisha janyuliwa. Hapana. No. Amen. Amina. Est-ce que tu es membre? Eh, tuku memba. Pose-toi d'abord la question. Ujulize kwa. Est-ce que tu es membre? Eti weye, kweli kweli si tu es membre, kama ukumbemba, tu dois soutenir cette église. Unapasha usaidia hii kanisa. Ah, même si tu ne dis pas amen, mais tu écoutes d'abord. Hata kama useme amina, lakini unasikia. Mimi yu asema utasema amina. Ça veut dire que tu n'es pas membre. Manake, una memba. Parce que si tu es membre, tu dois dire amen. Kama una memba, uku memba, unapasha kusema amen. Si tu es fraudeur, là ça va. Kama uku wakuibia, si tu es membre, kama uku memba, tu dois dire amen parce que c'est la parole. Unapasha kusema amen na juu ni neno la Mungu. Amen. Amina. Le frère Branham dit. Ndugu Branham asema. L'église. Kanisa. Est responsable. Iko na buzito. Des siens. Wabake. Quel est ce sien là? Bake ni banani. Les gens qui viennent à l'église. Bantu bale bale unapasha kanisa. Régulièrement. Kila siku. L'église est responsable de ces gens-là. Quand ils sont dans des problèmes, on doit les aider si l'église a l'argent. Pour toi, tu ne viens pas. Tu ne soutiens pas. Quand tu es dans des problèmes, et tu commences à faire passer les requêtes chaque jour. Nous aussi, on va oublier les requêtes. Mardi tu donnes. Mercredi tu donnes. Jeudi tu donnes. Vendredi tu donnes. Dimanche tu donnes. Donc qui est membre quand tu es dans les problèmes? Quand il s'agit de soutenir, là tu n'es pas membre. Quand il s'agit de construire, tu n'es pas membre. Quand nous on va terminer, toi tu te présentes. On a construit. Hein. On a bien construit. Tuna yenga mzuri sana. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Dieu va te bénir en quoi? Mungu atakubariki munini? Tu as donné combien? Uleta ngapi? Amen. Amina. Le calme là j'aime ça dit. Ile kimya amina ipenda. Les voleurs. Bezi. Vous venez dans le restaurant de Dieu. Mbona kwa mu restaurant ya Mungu? Tu manges. Unakula. Et puis tu veux sortir. Kisha unapenda utake mangeni. Bila wewe kuleta kitu. Même charnelement. Hata mukimwili. Quand tu manges dans un restaurant. Wakati unakula mu restaurant. Tu dois payer. Unapashi kulipa. Tu dois payer. Unapashi kulipa. Maintenant ici. Sasa humu. C'est le restaurant de Dieu. Ni restaurant ya chacun Mungu. Chacun de nous. Kila mmoja wetu. Mange selon son goût. Yeye anakula kufuatana bila anataka. Les autres ils sont malades. Bantu beko mbaya. Il va manger selon son goût. Yeye anakula kufuatana. Les autres ont problème de mariage. mange. Et ils vont manger selon les goûts de leurs problèmes. Les autres ont problème d'argent. Ils vont manger selon leurs problèmes. Maintenant, Dieu te guérit. Dieu te fait ingrat et ne sert ingrat. Dieu te guérit. Tu ne peux même pas dire merci à Dieu. On a chinda ta kumambia santi. Dieu te guérit gratuitement. Tu ne peux même pas dire merci, Seigneur. Même pas un remerciement. Le remerciement t'écoute comme shukrani na kulomba ngapi. Dieu te protège dans un voyage. Musafari. Tu ne remercies même pas Dieu. Le grand protecteur, Mulinzi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mwana Yesu Christo. Frère, Ndugu, le véhicule là que vous voyez là, on peut bien le réparer. Écoute la machine. Écoute la machine. Il y a une machine. On regarde ça bien. Mzuri. C'est un bon état. Mzuri sana. Il commence à rouler. À un moment, les plaquettes sautent. Samoye, ma plaquette natoka. Le véhicule n'a pas l'assurance. C'est en Jésus-Christ où il y a l'assurance. Quand il est en Jésus, il y a l'assurance. Amen. Amina. C'est pourquoi il est écrit. Jokomani imeandikwa. Cherchez premièrement. Tafuteni kwanza. Le royaume. Ufalme. Le ciel. Wa mbingu. Et le reste. Na ile inabakia. L'argent c'est le reste. Pesa ni ile inabakia. Les amis. Mavazi. Le reste. Vile vinabakia. Utunze. Le reste. Vile vinabakia. Amen. Amena. C'est pourquoi quand il y a le Saint-Esprit, wakati kuna Roho Mtakatifu, Dieu te donne l'argent. Mungu anakupatia fedha. Sura koma jere. Utayua namna kani ya kuiongoza. Tisora utayua koma jere. Namna kani ya kuongoza le fedha. Cherche d'abord le Saint-Esprit. Tafuta kwanza Roho Mtakatifu. Et Dieu va te ajouter l'argent. Na Mungu atakuongezea fedha. Parce que c'est le reste, non? Jo ni mabaki. C'est le reste. Ni mabaki. Amen. Amina. Apportez à la maison du trésor. Muleteni kunyumba ya zina. Verset 10. Mstari ya 10. À la maison de qui? Nyumba ya nani? Du trésor. Ya azina. Na toi tu viens. Sasa wewe unakuja. À la maison du trésor. Nyumba ya zina. La maison du Seigneur. Nyumba ya Bwana. Lisons un peu. Tusome kwanza. Apportez à la maison du trésor. Mulete kunyumba ya zina. Toutes les dîmes. Mache kumi yote. Toutes les dîmes. Mache kumi yote. Amen. Amina. Oh. Mais c'est la parole de ton père, non? Chine neno ya baba yako. Mais tu ne dis pas amen pour quoi? Asa useme amina juu ya nini? Parce que tu es volé. Jugu mwizi. Toutes les dîmes. Mache kumi yote. Afin qu'il y ait. Ili upate kuwa. De la nourriture. Chakula. Dans ma maison. Munyumba yangu. Bon, si ici il n'y a pas l'argent. Sasa kama umu amuna feza. Bon, les amusateurs vont faire quoi? Bazamini batafa kazi gani? Ils vont garder quoi? Batachunga nini? Les chaises. Biti. Bon, si il n'y a pas l'argent. Kama akuna feza. Les rideaux ici. Ima rido. On va acheter ça comment? Batauza yo namuna gani? La chaise là que tu as là. Il est qui tu n'es qu'à la porte. Là où tu es assise là. Là où tu n'es qu'à la palle. Qui a acheté? Uriuzayo. Tu vis dans les frères généraux. Où n'es qu'à la tout mon frère généraux. La parole est Dieu, tu écoutes, on fait les. Neno la mungu n'est qu'à la palle. La chaise là que tu es assise. Qui t'y le palle, on n'est qu'à la palle. Gratuitement. Où n'es qu'à la palle. Il y a quelqu'un qui a acheté pour toi. Où la recousia, oui. Le micro ici. Micro inye wei. Il y a quelqu'un qui a acheté. Où la recousia. Toi tu viens seulement, tu écoutes la parole. Tu n'as kusikia neno. Tu sors. Kisha unatoka. C'est quand tu es malade. Wakati unagonjwa. Là tu cours vite. Pale unakimbia haraka. Seigneur. Bwana. Le Dieu du ciel. Mungu wa kumbingu. Il regarde. Anaangalia. Il dit Seigneur, oui, je suis là. Bwana, oui, ndii mimi hapa. Quoi ton problème? Ni mambo kani? Jésus regarde. Yesu anaangalia. La sœur Dorcas. Dada Dorcas. Elle était morte. Alikufa. Amen. Amina. Suis bien. Ufate mzuri. Elle était morte. Alikufa. Les frères et les sœurs. Banduku na badada. Ils ont dit non. La sœur ici. Huyu dada. Ne peut pas vite partir. Achesu kwenda haraka. Parce que la veste que j'ai. Juu nkoti niko nayo. C'est elle. Ni ye. La chemise qui est en dessous là. La chemise niko nayo. C'est la sœur Dorcas. Huyu dada Dorcas. La cravate ici. Ni cravate. C'est la sœur Dorcas. Huyu dada Dorcas. Les brebis. Les bien-aimés. Bapendwa. Se sont référés. Bariangalia. des cadeaux que la sœur Tabitha faisait pour elle. Ils ont dit, Seigneur, cette sœur ne peut pas vite partir. Pasteur Pierre, pasteur Petro, viens d'abord, pasteur, la sœur Dorcas. Où dada Dorcas. Elle est morte. Anakufa. Frère Pierre est arrivé. Tuku Petro alikuja. Ils ont commencé à présenter à frère Pierre. Marianza kumuonesha Tuku Petro. Hii chemise yangu. C'est Dorcas. Ni dada Dorcas. C'est la tunique là que tu as portée. Na ile tunique unavaa. C'est elle qui avait fait. Hier kuzia. C'est Pierre s'est dit. Tuku Petro asema. Seigneur. Bwana. Nous avons encore besoin. Tungariki. De cette sœur. Nahitaji au dada. Si toi tu meurs ici. Kama wewe ukifa hapa. Non, on va se rappeler de quoi? Tutakukumbukia panini? Si toi tu mourais. Kama wewe ukikufa. Frère, Ntuku, si tu meurs aujourd'hui. Kama unakufa leo. Kambove tabernacle. Kambove tabernacle. Va se rappeler de quoi? Itakukumbukia panini? Que toi tu as déjà fait. Ile unaisha ufanyaka hapa. Dada. Si tu mourais. Kama ukikufa. Si tu meurs. Kama unakufa. Non, va se rappeler de chie, quoi? Chie, tutakukumbukia panini? À part ta jalousie. Kutosha kopaka buifu ya. Tu sais la sœur là qui est mère. Unaone dada unakufa ule. Celle-là qui critiquait les autres là. Je la rends au Béoula Benguine. Les gens te connaissent. Bah, kuyua, par tes critiques. Il faut attendre la machine mango. Il y a au celle qui est mort. On a eu le dada la couche. Celle-là qui s'aimait beaucoup. On a eu le dada la couche. On a eu le dada la couche. On a parce qu'il faisait la honte de la aranza parole. On a eu le dada la couche. Les gens se réjouissent. Bah, furai, que tu partes. Parce kuenda, que tu fais la honte de la parole. On a eu le dada la couche. On a eu le au lieu que les gens aient pitié de toi, mais les gens disent, ah, nasema, gloire à Dieu, oh, sifa kwa l'église Mungu, est délivrée. Kanisa na kombolewa. Mais la sœur Dorcas, alakini da Dorcas, les frères et les sœurs, banduku na bada, se sont rappelés de bien qu'elle faisait. Matendo mazuri alikuwa nafanya. Non, on va se rappeler de quoi? Chie tutakumbukia panini? Oh, yo si osali na église. Bile onesho fanya mwi kanisa. Frère, prêche-nous la parole, frère. Nduku, utubiri paka neno la mungu. Le message. Tunapenda ujumbe. C'est ça le message. Njo inye ujumbe ni hii. Frère, nous c'est les écritures, frère. Nduku, si tunapenda paka maandiko. Tunapenda Biblia, nduku. C'est ça la Bible. Njo Biblia yo hii. C'est ça la Bible. Njo Biblia inyewe ni hii. C'est ça la parole. Njo neno la mungu. Neno la mungu. La parole de Dieu. C'est ça que tu aimes, non? Njoo ile unapenda aina vile. Mais tu ne payes pas la dîme pour. Sasa ulipake che 10 juu ya nini? On cherche les carreaux ici. Tuko natafuta kuuza makaro hapa. On doit embellir ici. Tunapaswa kutengeneza humu. Toi tu as l'argent, non? Wewe shuku na fedha. Ton argent? Fedha yako? C'est pour les prostituées. Njoo ukaburia bandumba. Ndugu. Dieu te donne les souffles de vie. Mungu anakupatia pumzi ya buzima. Tu démarres ton véhicule. Unawakisha gari yako. Quand vroom. Unaanza kwenda vroom. C'est pour aller amener les prostituées. Ndio kwenda kupeleka bandumba. Et le Dieu du ciel te protège aussi. Mungu wa kumbingu na ya kuchunge, akulinde. Tu pars à Likasi. Unaenda kulikasi. Pour aller te prostituer. Ndio kwenda kufanya bandumba kulikasi. Et puis tu reviens. Kisha unarudia. Merci Seigneur. Unasema Bwana asante. Pour la protection. Ndio kunilinda. La protection de l'impudicité. Ulinzi ya busharati. Mais quand on demande l'argent, wakati wanalomba fedha ya Mungu hapa. De soutenir l'œuvre. Kusaidia kazi ya Mungu. Opesa kate. Auletake. Frère Jida. Nduku Jidas. Réveillez-moi le frère qui dort. Unelamushe ule nduku wa unalala pale ule. Frère ne dort pas, je vous vois. Nduku shilale mina kuona. Amen. Amina. Il faut être calme. Napashi kwa kimya. C'est ça la parole de Dieu. Njo neno la Mungu. Aujourd'hui, frère. Leo Induku. C'est cette semaine. Ni Juma. Je ne serai pas à l'église. Ah, Mister Kwa Kwa. Le petit là qui est venu. Ou le petit ou la rukuya kama tokea. Les histoires qu'il prêche là. Bile bintu eko na ubiri bile. Bon, j'irai seulement s'il termine. Tenda paka pale atamaliza. C'est ton problème. Ni mambo yako. Les enfants de Dieu vont venir. Matoto ya Mungu bo. Batakuya. Mais nous, c'est la parole. Ndugu, si, ni paka bon, neno. Ça, c'est quoi? Ça, c'est nini? C'est pas la parole? Aina neno la ça, Mungu. C'est pas la Bible? Hii, aina Biblia. Frère, ça, c'est pas la Bible? Ndugu, aina Biblia, tu kunasoma. Nous sommes en train de lire où? Tu kunasoma wapi? C'est dans la Bible. Shimum Biblia. La Bible, c'est la parole de Biblia, Dieu. Si, ni neno la Mungu. C'est ça que nous croyons. Njo ile tunani. C'est notre absolu. Njo tegemeo yetu. Amen. Amen. L'urime tumim. Urime na tumim. C'est la Bible. Ni Biblia. Je ne suis pas en dehors de la Bible. Mishi na inje ya Biblia. Je suis dans la parole. Ni kupaka ndani ya Biblia. Amen. Amina. Hey. Nduku. Dieu nous a tout donné. Mungu alitupatia biote. Kimaboko makasi na biso nde. Kufunga mikono yetu kule. Ezo sala ke. Njoa inafanya. Zamba pango la biso te. Mungu ashitubariki. Fedala sendo kini frere. Mumafundisho safi nduku. Nuzo mkomisa. Tukuwa mikono ya kufunga kukosa kukabula. Onakola liberalite. Atuna na kukabula. Proverbe. Mezali. Preno proverbe. Tuchugue mezali. Proverbe. Mezali. Proverbe 11. Mezali kumina moya. Je commence au verset 23. Nansia musara makumi. Le désir des justes. Kutaka kwa benye aki. Amen. Amina. Les justes, c'est... Qui sont les justes? Benye aki ni banani. Ce sont les gens ni bantu bali. Qui ont le Saint-Esprit. Benye kwa na Roho Mtakatifu. Leur désir. Kutaka kwabo. C'est seulement le bien. Ni paka bizuri. Amen. Amena. Le désir des justes. Kutaka kwa benye aki. C'est seulement le bien. Ni paka bitu bizuri. Il regarde l'église. Banangaria kanisa. Qu'est-ce qui manque? Ni nini nakosewa? Qu'est-ce que je dois acheter? Ni nini ile minapaswa kuuza? Ni nini minapaswa kufanya juu ya kazi ya Mungu? Est-ce que la maison du pasteur? Eti nyumba pastori. Muku maji? Est-ce qu'il y a les savons? Eku muku sabuni. Y a les papiers géniques? Muku papier géniques. Le désir des justes. Kutaka kwa benye aki. C'est seulement le bien. Ni paka kufanya mema. Est-ce que toi tu fais le bien? Etu wewe unafanya mema? Est-ce que tu es juste? Eti uko mwenye haki? La contribution à l'église. Muchango wa kanisa. Toi tu passes maison par maison. Wewe unapita nyumba kwa nyumba. Frère. Nduku. On ne voit pas clair, frère. Atone mzuri. L'argent là va où, frère? Il faisait kunenda wapi? Oh, frère, nous nous sommes dans cette église, frère. Si tu kumba mwika kanisa. Il y a longtemps. Unakawa. Vous êtes de nouveau. Moi mkuba sasa. Il faut nous demander nous, frère. Tuliza shiye. C'est nous qui avons commencé cette église. Shinjo tulianza hii kanisa. C'est ça ton travail. Njo kazi yako ile. Frère Jida. Nduku Jidas. Mais le désir des justes. Kutaka kwa benye yaki. C'est seulement le bien. Nipaka kutenda mema. Amen. Amen. L'attente des méchants. Kuchunga kwa watu babaya. C'est la fureur. Nikasirani. Un frère. Nduku moja. Fait un don à l'église. Analeta zawadi kanisa. Lui n'est pas content. Ya shifurai. Ce frère se montre quoi ici. Nduku unaonesha. Il est nouveau. Ni mukeni. Il veut acheter le groupe pour l'église. Anapenda kuzia kanisa. Pour qu'on le voie. Juba muone. Pourquoi tu es méchant? Jua nini uko mtu mbaya vile. Frère achète les piles pour le micro. Nduku anauza mapile ya micro. Toi ton cœur. Roho yako. N'est pas bonne. Aina haifurai. Eh. Nduku. La sœur veut balayer l'église. Dada anapenda fakia kanisa. Toi tu n'es pas content. Wewe haufurahii. Mais toi tu ni balai pas. Sasa wewe haufurahii yake. Ah. Ah. Bon tu es qui toi? Uko nani wewe? Ese. Enda. Oh frère, oh nduku, quand la main gauche donne, wakati mkono wa kushoto inatoa, que la main droite ne puisse pas savoir. Mkono wa kuume sijue. Frère, nduku, il y a des choses. Huku vintu. On te fait, on te donne quelque chose. Na nakupatia kintu. Même si la personne qui t'a donné ne va pas parler. Ataka mola alishikupatia asiseme. Mais toi qu'on a donné. Wewe ule wanapatia. Ni sura pas fermer la bouche. Hawezi kuikala kimya. Tu vas témoigner. Utashuhudia. Non frère. Nduku. J'étais dans les besoins. Mimi kwa muhitaji. Mais le frère ici. Huyu nduku huyu. En tout cas il m'a aidé. Ah, lakini toi qui as donné tu ne parles pas. Wewe ule ulitoa utasema. Mais la personne qui t'a donné. Wewe ulikaburia. C'est celui qui va parler. Yeye ndio atasema. Tu n'as jamais fait un don. Ah oui, à l'état Kazawadi. Ici. Ap. Rien. Akuna. Même l'eau. Atamai. Rien. Akuna. Tellement la parole. Ni paka neno. Le frère n'a pas bien prêché. Nduku ashubiri mzuri. Cette écriture ici, frère. Hii andiko hii, nduku. Je dois voir le pasteur. Mimi napashi muona pasteur. Usala na yoga kaya mwana. Njoo kazi yako ile. Je dois voir le pasteur. Tenda kumuona pastori. Je dois voir le frère Mbala. Tenda muona nduku Mbala. Mbala, le frère qui a prêché. Nduku Mbala, huyu nduku alibi. Il a pris l'écriture. Alichukua andiko moja. Mais il a mal placé. Alakini aliweka mbaya. On le place où? Bana iwekaka wapi? Toi tu crois que ici c'est le problème des Français? Unawazia sema hapa ni mambo ya kusema Français. Ici. Hapa. C'est pas un problème des Français. Haina mambo ya kusema Français. Ici c'est un problème de croire. Hapa ni mambo ya kuamini. On ne pas croire. Wala ukatale kuamini. Nous frère, il y a des frères qui prêchent. Ils n'ont même pas étudié. Aba kufunda ta mais quand ils montent à la chaire, ils lisent la Bible en français. Beko nasoma Biblia mukifransa. Dans la Bible, Biblia. Il y a la sagesse. Muku hekima. Dans la Bible, Biblia. Il y a l'intelligence. Muku akili. Dans la Bible, Biblia. Il y a le français. Muku français. Ici, c'est le l'école de Jésus. Hapa ni masomo ya Yesu. Alléluia. Amen. À l'école de Jésus. Masomo ya Yesu. Si tu n'as pas étudié. Hata kama ukufunde. Wakati ante. Wakati unaingia. À l'école de Jésus. Masomo ya Yesu. Par le Saint-Esprit. Umamuruhu mtakatifu. Mungu yeye mwenyewe. Prends le stylo. Anabeba bic. Il commence à t'enseigner. Anaanza kukufundisha. Tu vois la sœur. Qui n'a même pas étudié. Ashikufunde. Elle s'habille de sa main. Eh, unafuala na heshima. Elle est entrée à l'école de Jésus. Aliingia masomo ya Yesu. Yesu yeye mwenyewe. Ana mufundisha. Amen. Amen. C'est pourquoi tu vois. Joko bana kuna on. Tu donnes conseil à quelqu'un qui a étudié. Unapatia shauri kwa mtu ulifunda. Elle demande. Anaulize. Cette maman ici, elle a étudié. Huyu mama wewe alifunda wapi? No. Hapana. Mais quand il te donne conseil, kama nakupatia shauri, comme si elle a étudié. Kusari funda. Elle a étudié l'école de Jésus. Alifunda kwa masomo ya Yesu. L'école de Jésus. Masomo ya Yesu. C'est le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Kati ya le Saint-Esprit. Kama kuna Roho Mtakatifu. Dieu lui-même. Mungu yeye mwenyewe. Enseigne. Anakufundisha. Amen. Amen. Ah. Ah. Et toi? Weye. Tu es à l'école de Jésus. Kwa masomo ya Yesu. Et puis tu voles. Kisha kuna iba. Dans notre école, il n'y a pas de volets. Nous masomo yetu amukala ke bezi. Amen. Amen. La parole est bonne. Neno wa Mungu iko mzuri. Neno wa Mungu iko mzuri sana. La parole de Dieu est bonne vraiment. C'est ici qu'on a la joie. Njoo hapa tunashikiaka furaha. Nous c'est ici. Chie ni hapa. Mais toi? Sasa weye. Quand on chante. Wakati wewe unaimba. Tu n'as pas la joie. Auna na furaha. Mais les jours. Shiku. Du mariage. Ya ndoa. De ta fille. Ya binti wako. Hey. Hey. Elle oublie. Oh. Elle oublie. Anasabu. Elle oublie même qu'il y a des gens à l'église. Anasabu atsema kwa watu mkanisa. Anatoka kule. Jusqu'ici. Ufika na hapa. Oh. Ufika kakundununa. Mais quand elle chante pour Jésus. Wakati mimi naimbia Yesu. Mm. Naimba pole pole. Aliwama. Aliwama. Aya mama donné laisse d'abord. Samuel vient bien chambé. Commence à regarder les autres. Anaanza kuangaliana. Anaanza angalia bana. Depuis il est kisha anaanza te aliwama. Enemba pole pole sana. Il coupe d'abord. Kisha anabikata. Est-ce que frère, c'est la valeur de Jésus? Et tu unaya bei ya Yesu. Fais chanter pour Jésus. Kumuimbia Yesu. Le roi des rois. Mufalme wa bafalme. Mufalme wa bafalme. Le roi des rois. Ah! Si frère, si y a un endroit, kama kukufuashi, où nous devrions danser, mule tunapashi kucheza, ni hapa kupika maringa. Frère, les gens qui dansent pour le diable, bantu bale mwena mcheza shetani. Mais, ils enlèvent même les vestes. Leo natosha na makoti. Ils dansent pour le diable. Bana mcheza le shetani. Le diable qui ne donne rien. Shetani ula shiletake kitu. Même pas le souffle de vie. Ashiletake mais il est là-bas donc, vous sentez que, utona ya kwamba. Mais non. Hapana. Mais toi, sasa weye, qui connais la valeur de Jésus, wenye kuyua bei ya Yesu. Aliwa. Pole pole sana. Et regarde d'abord les ongles. Anangaramba mankucha yake. Parce qu'il y a le vernis là-bas. Tu kuma vernis kule kuma mimi. Elle ne peut pas frapper très fort. Na Yesu pika mikono ngufu. Sinon ça va s'enlever. Itatoka. Elle doit bien garder les ongles. Anapashi uchunga mankucha yake na safi. Aliwa. Il y a des gens même qui tapent les mains comme ça l'église. Watu wale wana pika kunchongo ya bilone. Ena pika kunchongo ya bilone. Il y a des les autres. Ku wengine. C'est comme ça. Me ena pika tu pa mkulu. Mkono pa mkulu. Mkono pa mkulu. Ah. C'est parce que tu ne connais pas la bonne enquête à Christ. Ni jua uye ni nani ule uliamini. Les jours où tu vas reconnaître. Siku ile utayua. La valeur. Bei. De celui qui t'a ramassé. Ya ule alikulokota. Là où tu étais. Kule ulikuwa. C'est Dieu nous a ramassé. Mungu alitulokota nduku. Est-ce que. Eti. En dehors de ce message. Inje ya ujumbe. J'allais devenir ce que tu es aujourd'hui. Urupashi kwa kile uku leo iki. Mais le Dieu du ciel Mungu akumbi, est descendu arishuka, dans la boue. Mubatope, il nous a ramassé. Aritulokota, il nous a lavé. Arituosha, il a fait de nous anatufanya, ce que nous sommes. Kile tuko, aujourd'hui. Leo hi. Et aujourd'hui. Leo hi, quand les gens nous regardent. Ils disent. Eh, eh. En tout cas. Même si tu dis à quelqu'un. Hata ukimwambia mutu. Que tu n'as pas l'argent. Ya kwamba una fedha. Il y a pas. Atasema non. Toi. Weye. Fembala toi. Nduku mbala weye. Manke l'argent. Ukose fedha. Non, non, non. Hapana. Pourquoi? Juu ya nini? Ils savent. Banajua. Que nous avons un Dieu. Ya kwamba tuko na Mungu. Amen. Amen. Et maintenant ce Dieu-là. Sasa ule Mungu. Il te dit. Anakuambia. Mets-moi les preuves. Unipime. Ah, j'aime ce frère Zemola. Ah, mimi napenda ile msemo. Unipime. Mets-moi les preuves. Ah. Là, Wewe unipime tu. Problem na yo. Mambo yako. Esili. Inaisha. Frère. Nduku. C'est comme un milliardaire. Iko sawa mtu mtajiri. Anakuambia. Memo a depres. Unipime tu. Nakupesa yo. Mimi nitakupatia. Est-ce qu'il y a un problème là-bas? Peko mambo munene pale. Est-ce qu'il y a un problème? Et tu peko mambo. Jésus te dit. Mais yanakuambia. Memo a depres. Yesu anasema unipime. Et tu verras. Na utaona. Si je n'ouvre pas. Kama mishi kufungulie. Pas pour lui. Hapana juu yake. Lui. Yuye. Tout appartient à lui. Yote ni vyake. Mais la lui te dit. Sasa anakuambia. Je vais te donner une partie. Takupatia kipande. Ulipime. Memo a depres. Si les gens comprenaient. Kama bantu wangesikia. Ah, on n'allait pas être comme ça. Natupashi kuwa hivi. Nous allons au ciel, oui. Tukunenda kumbingu, ndiyo. Mais l'argent, frère. Alakini feza. On en a aussi besoin. Tukunayo besoin. Le ciel, c'est pour nous. Mbingu ni yetu. Amen. Amina. Verset 14. Musare ya 14. Tel qui donne. Fulani yako na paka vile yako na le. Liberalement. Na uru yote. C'est là où il y a les problèmes. Je parle peko mambo. La libéralité. Kukabula kuyakukabula. Dans nos églises. Mu makanisa yetu. Kukabula. La libéralité. Kukabula. La libéralité. Ah, pour qu'un frère. Dieu ya nduku. Puisse mettre. Apate. Sa main. Weka mkono ya. Dans la poche. Mu mfuko. Et faire ça. Na kukupatia. C'est tout un problème. Ni mambo. Il y a des prédicateurs qui sont là-bas. Baubiri bale yuko. Il y a des gens qui ont même les crédits. Et si unesho muziaka tama inite. Crédit. Kumuzia tu mainite. Non frère, je vous ai acheté quand même. Dugu mina kuzia tu ata mainite. Mais toi ton problème. Ouais mambo yako. Mungu akubariki frère. Que Dieu vous bénisse frère. Iko mabira leo frère. Ah c'est vraiment la prédication d'aujourd'hui. C'était bien, c'était bien. C'est ce qu'il faut frère. Dieu bile na pasha. C'est ça le message. Dieu ujumbe ni hii. Mungu akubariki. Que Dieu vous bénisse. Donc Mungu akubariki. Que Dieu vous bénisse. Va prendre la veste ici. Itabeba inkoti. Il amène ça à la pressing. Na kuipeleka ufasha kufunga. Mungu akubariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Que Dieu vous bénisse. Va prendre la chemise. Il savait ma chemise. Mungu akubariki lui-même vient. Il prend. Anabeba. Il amène ça au pressing. Anaepeleka fasha kufula. Dieu vous bénisse beba fula. Mungu akubariki. Dieu vous bénisse. On aura des bons bureaux comme ça. Mungu akubariki. Tutakuwa na mabiro mzuri hivi. Mukusema tosa Mungu akubariki bule. Mungu akubariki. Dieu vous bénisse. On va prêcher avec le micro. Bataubiri na ba micro. C'est Dieu qui bénit. Mungu nje kuna bariki. Amen. Ni bia kweli. Nous croyons que c'est Dieu qui tunaamini asema Mungu nje kuna bariki. Mes frères. Nduku. Quand il y a la libéralité. Wakati kuna kabula. Et un frère. Huwa nduku. Te dit. Anakuambia. Que Dieu te bénisse. Mungu anakuambia. C'est pour dire que. Akubariki. C'est pas l'homme qui bénit. Njua kusema haina Mungu nje kuna bariki. Mais c'est Dieu qui bénit. Ni Mungu nje kuna bariki. C'est pourquoi nous disons. Kwa maana tu kuna sema. Mungu. Que Dieu. Akubariki. Te bénisse. Il y a des sœurs. Huku badada. On lui dit. Banamwambia. Ma sœur, Mungu akubariki. Dada, que Dieu te bénisse. De rien, frère. Hakuna mambo. Oh. Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Toi, tu réponds de rien. Unasema, hakuna mambo. Oh. Hakuna mambo. De rien. Sœur, que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. De rien, frère. Hakuna kitu. Oh. Tu n'as pas besoin de la bénédiction. Hauhitaji kubarikiwa. Amen. Amen. La libéralité. Kukabula. Frère, est-ce que tu es libéral? Eti nduku nakabulaka? Frère, est-ce que tu es libéral? Dada, eti unakabulaka? Si tu mourais. Kama ukikufa. On a ton souvenir? Ba beko na ukumbusho yako. Dans cette église. Mwika nise wata ukumbukia pale. Les télévisions ici. Ma télévision hii. Tu as contribué? Eti uleta kofeza. Les chaises. Mabiti. Tu contribues? Urileta mchango. Les carburants. Ma carburant. Pour les groupes. Juu ya group. Tu contribues? Eti unauzaka? Ah, le message. Ujumbe. C'est ça le message. Njoo inye ujumbe ni. Tel qui donne libéralement. Ule kona kukabula. Devient. Anakuya. Plus riche. Anakuwa mtajiri sana. Et c'est la Bible, non frère? Njoo Biblia ile kuna sema. Lisez même là-bas c'est écrit. Musome hata kule baisho viandika kubwa. Tel qui donne libéralement. Ule kona ukabula. Devient. Atakuwa. Plus riche. Mtajiri sana. Et tel. Na ule. Qui épargne. Ashikabule. Alexe. Ashikabule zaidi. Ne fait que. Atafuanya. Terminé frère, terminé. Umalize. Ne fait que comment? atafani s'appauvrir. Tu vois comment tu t'appauvris toi-même. Ona namna kana una. Tu prends l'argent de la dîme. Unachukua fedha cha 10. Pour ta maman qui est malade. Unamtumia mama kwa mgonjwa. Ozo baki saye malali likolo ya malali. Unamongeza malali yule malali nyingine. Parce que la dîme. C'est l'argent de Dieu. Ni chekumi ni pesa. Tu prends l'argent de Dieu. Ona wewe chekumi chekumi. Tu envoies ta maman. Unatumia mama yako. Ule kwa mgonjwa. Hasta kupona. Ça va, c'est là. Chunga. Prends Ewald Frank. Tu joues Ewald Frank. Qu'est-ce qu'il dit ici? Anasema nini na yeye? Lettre circulaire. Barua kuzunguka. 22 juillet. Ya 22 juillet. 1980. Ya 1980. Amen. Amina. Écoutons. Tu sigilis. Qu'est-ce que frère Frank nous dit? Donc Frank anasema nini? Il dit ceci. Ah, c'est ma Yves. C'est lui qui retient la dîme du Seigneur. Ule na beba chekumi ya bwana. La dîme de qui? Chekumi ya nani? La dîme de frère Ngoindai. Chekumi ya ndugu Ngoindai. La dîme de frère Mbala. Chekumi ya ndugu Mbala. Si je paye ça. Kama mimi naitoa. Qui va manger ça? Ni nani ula taikula? Dieu est au ciel, frère. Mungu yako kumbingu. Je vais payer la dîme. Ntatoa chekumi. Qui va manger la dîme? Sasa, ni nani ula taikula? Tu cherches Jésus, non? Unatafuta Yesu, si ndio vipi? Tu cherches Jésus. Si unamtafuta Yesu. Allez, Jésus, viens prêcher. Yesu, kwa ubiri. Tu cherches Jésus. Si unatafuta Yesu. Jésus va nous prêcher là-bas. Mina toka hapo. Yesu emi ubiri. Tu as besoin de voir Jésus. Si unahitaji muone Yesu. Prends tes yeux, ne me regarde pas. Usiniangalie, angalia, tafuta Yesu kule kumimbari. Frère, nous c'est la frère, nous c'est la frère. Ni paka neno la Mungu. Mon frère, qui va manger ça? Ni tutaripa nani ula taripa chekumi? Yesu, sasa umtafuta Yesu akule chekumi. Qu'il vienne prêcher. Akoe ubiri hapa. Dieu, Mungu pour parler à son peuple. Dieu akusema na taifa yake. Pour parler aux hommes. Dieu akusema na bantu. Il utilise toujours des hommes. Yako natumikisha paka bantu. Mais pourquoi il y a des raisonnements? Ça c'est Dieu nous on a la parole de Dieu. Muneno la Mungu. La parole. Muneno la on ne raisonne pas. Avec alake na mafikini. Il faut qu'uamini. Ou bien on ne croit pas. Wala uamini. Point. Kunaishi. Si toi tu ne veux pas soutenir. Kama wewe upende kusaidia. Ni kama ninga va soutenir. Wate wa nduku basaidie. Pourquoi tu parles ma maison? Tu as dit on nasema kuma nyumba nyumba unaenda usema sema. Oh. Si toi tu ne veux pas soutenir. Kama wewe upende usaidia. Ni kama misusu basara mtara. Wate wengine wafutumikie Mungu. L'église? Kanisa. C'est l'église de Dieu vivant. Ni kanisa ya Mungu aliye hai. Amen. Amina. Écoutez, musikilize. C'est lui qui retient la dîme du Seigneur. Ula na beba chekumi ya bwana. Ne fait pas que pécher seulement. Asitende tu paka nzambi bunde. Ça veut dire, manake, ne pas payer la dîme. Kukosa kulipa chekumi. C'est d'abord un péché. Kwanza ni zambi. Toi tu crois que le péché c'est seulement l'impudicité? Unawaza sasa zambi ni pa busharati. Ne pas payer la dîme. Kukosa kulipa chekumi. Ma sœur, c'est un péché. Dada ni zambi. Et frère, moi dans l'impudicité, moi je n'insulte pas les gens. Alors la dîme. Ça c'est chekumi. Et moi voler. Mi kuiba. Et la dîme là quand tu fais quoi? Chekumi sasa, banasema comme on a fait. Oh non frère, le ministre là a détourné. Va mes ministres vont détourner. Toi aussi tu détournes la dîme de Dieu. Là on a détourné chekumi. Tu es volé. Huko mwizi. Comme ces ministres là. Ça va les ministres. Toi aussi tu détournes. Na wewe kuna iba. Bon, et le problème hein? Bon mambo yao. Il détourne les choses. Les choses des gens qui sont terrestres. Beko naiba bintu ya bantu apadunia. Maintenant toi. Sasa we. Tu détournes. Naiba. La dîme. Chekumi. De la personne. Ya muntu. Qui doit t'enlever. Ula anapasho kunyanyula. Ako memayo ndengeni. Ata kunyanyula namna gani. Yo sana baniongo ya mutu. Fua memayo na mlola. Ah, woku na ndeni ya mutu. Tena akubeba wende kumbingu. Ako memayo. Ata kubeba. Akotala na konti ya frère. Atangaro ma konti ya bantu. Kama kuna ndeni ya mutu. Woko change na banjila. Utabadilisha na njia. Mais là, le Dieu du ciel. Sasa Mungu akumbii. Ata ushanje banjila. Ata na shanje banjila. Ah, bulongo ni bwake dunia ya. Mbingu ni yake. Souffre de vie Isaiah. Mungu ya buzima ni yake. Uko kime la wapi? Utakimbilia wapi? Parce que l'homme si la terre. Ndio mtu padoni. Je peux faire ça. Na wewe sukumchola. Il va passer par là. Atapitia kule. Sasa Mungu akumbii. Tu vas fuir. Utamkimbilia wapi? Mimi ndalo. Ata mumaji. Eko amo. Alléluia. Amen. Écoutez. Musikilize. Frère Frank dit ceci. Donc Frank ansema hivi. Il ne fait pas seulement que pécher. Ashitende pa kanzambi bule. Mais. Alakini. Écoute bien. Musikie mzuri. Il est placé. Anawekwa. Sous la malédiction. Chini ya laana. Ah. Donc voler la dîme, manake kuiba chekumi, c'est péché d'abord. Kwanza ni zambi. Et après, na kisha, kiye sous la malédiction. Unaliweka chini ya lana. Tu vois pourquoi tes enfants sont des bandits? Unaona jua nini watoto wako ni bandi? Tu vois pourquoi tes enfants, on les engrosse gratuitement? Unaona jua nini watoto wako wanawapatia mamimba tu bule bule? Kiye sous la malédiction. Huku chini ya lana. Parce que la malédiction, juu lana, c'est toi d'abord la maman. Wewe mwenyewe qui vole la dîme. Njoo kunaiba chekumi ya Mungu. Kisha apprends tes enfants. Kisha inabamba na watoto yako. Tu ne payes pas la dîme. Haulipe chekumi. Kiye sous la malédiction. Huko chini ya lana. Ça devient dire. Ah, binakuwa nguvu. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide, mon Mungu atusaidie banduku. Ce sont des petites choses. Ni tubintu tuloko. Mais ça nous fait manquer de bénédictions. Tunatukosesha mabaraka. Biabule tupake hivi. Ah frère, nous en tout cas c'est seulement. Chie ni paka. Frère, sur la terre c'est frère. Nduku. Nous sommes des pèlerins. Ah, padunia tu kubasafiri. C'est la pauvreté qui te fait parler comme ça. Mais masikini mnakosemesha vile. Nous sommes des pèlerins. Yeye asema tu kubasafiri. Mais il y a besoin d'argent. Lakini unahitaji fedha. Ah frère, Nantuku. Sommes des pèlerins. Ah, tuku basafiri. Jésus vient bientôt. Yesu kuna kuja sasa hivi. On connaît qu'il vient bientôt. Tunayua sema kuna kuja hapa sasa. Mais il t'a informé les jours. Lakini anakuonesha siku. Aibu sio kuja semaine prochaine. Anakuonesha sema atakuwa juma ile kuna kuja. Je termine d'abord ici le verset 10. Tamaliza kwanza hii mstari ya 10. Mettez-moi des soldats à l'épreuve. Munipime muina muna. Dit l'Éternel des armées. Hivi Bwana wa majeshi anasema. Qui parle? Ni nani yako nasema? L'Éternel Bwana des armées. Wa majeshi. Quand lui se lève. Wakati akilamuka. Ah! Mais qui est au-dessus de Jésus? Ni nani yule ko yulu ya Yesu? Personne. Hakuna mtu. Même le diable. Hata shetani. Devant Jésus. Mbele ya Yesu. Il s'abaisse. Yeye anashuka. Même le péché. Devant Jésus. Mbele ya Yesu. C'est pourquoi nous chantons. Jésus, le roi des rois. Yesu mufalme wa bafalme. Il est le roi des rois. Eko mufalme wa bafalme. Ma voix était le Maroc. Ma voix est rock. Ah, sauti yangu nafunga. Parce que moi, je me chante. Je me napenda kuimba. C'est pourquoi nous chantons. Jésus est le roi des rois. Yesu ni mfalme wa bafalme. On n'a pas dit non le diable. Awaseme shetani. Ah, on a dit tout le monde. Bantu bote. Même le diable. Ata shetani. Et dans le tout. Eko mubote. Hein? Même ta maladie, ata magonjwa, dans les tout, même ta pauvreté, dans les tout, la manque, la joie du salé, c'est dans les tout là-bas. Amen. Amen. Même la guérison, ata utunzo, dans les tout, tout le monde, bantu bote, quand Jésus passe, wakati Yesu anapita, à vous ordre, bote, manompiki, saluti, ata maji, obéis, yuko na muti. À Jésus. Namuti Yesu. Quand Jésus parle, qui va refuser? Maji. Quand Jésus parle, Yesu akisema, qui va bouder? Nanu la takatala. Oh non, c'est Jésus qui a parlé. Oh, ni Yesu alisema. Moi, ah, je refuse. Mimi nakatala. Est-ce que tu as le temps de faire ça? Una wakati ya kusema vile. Les disciples en train de trembler. Wanafunzi wana tetemeka. Bwana, Bwana, Bwana. On va se noyer. Unaanza kufa. Maji. Jésus en train de dormir. Yesu ya analala. Il s'est réveillé. Analamuka. Il a regardé. Akangaria. La tempête. Oui, Zoruba. Il a dit. Akasema. Frère. Donc, un chrétien. Mon Christ. Quand il prie. Wakati naomba. C'est pas comme un païen. Aina sawa mpagano. Ah. Amen. Amen. Quand on dit de prier. Wakati wanasema tuombe. C'est pas on pika mikono. C'est pourquoi il faut battre les mains. Non. Apana. Les mains c'est pour chanter. Mikono ni juu ya kuimba. Moto. Huku na uji. Mikono iko na pika. Les mains que tu tapes. On a imaka. On les tape quand on chante. Toi tu pries. Huku naomba. Una pika pika mikono. Bwana. Bwana. Alléluia. Alléluia. C'est quoi ça? Ni nini ile? Un chrétien. Mon Christ. Quand il prie. Kama yuko naomba. Il rappelle à Jésus. Huku na mukumbusha Yesu. Ce que lui a dit. Qu'il a lisema. Dans sa parole. Neno lake. Hein? Hein? C'est pas les païens. Aina va pagano. Là, parle. Il est à la chair. Eko kumimbari. Ye rakabababababa. Rakabababababa. Tu grimaces le diable. Où na tetembesha shetani? Mais le diable te connaît. Shetani shana kuyu. Même les amen que tu dis là. Ata maameni le diable te connaît. Shetani anayua. Il sait déjà que. Aijo ya sema pana. Amen na sema kai. Est-ce que les amen peuvent ça on peut dire comme ça? Il a peur. Eko na boka. Raka ba ba ba ba. Raka ba ba ba. Yamba. Yamba. Eh. C'est le diable qui fait ça. Ni Shetan ou l'on a franchi la ville. Là, dans les bancs. Pardon? Là, dans les bancs. Moule ma banquette. Il y a l'autre qui fait. Où mon guinée on a franchi. Eh, prophétie. Hein, prophétie. Prophétie. Tabiri, tabiri, tabiri. Bon, c'est quelle idée ça? Ni mungu kaniouli. Ngoi, je te vois. Minakona. Kauna lalaka. Tu n'es pas. Una lalaka, una laté. Tu ne dors pas. Mais je vais dormir comment Kifukutu iko kwa? Comment est-ce que je peux dormir pendant qu'il fait chaud? Pendant qu'il fait chaud. Kuku Kifukutu. Kifukutu. Il fait chaud. Mais la toi tu me dis que ina lalaka te. Je dis que mais si lalaka. Mais je ne dors pas parce qu'il fait chaud. Si lalaka Kuku Kifukutu. Et toi, c'est l'église que tu as envie. Là-bas, on voit. Quand tu pars là-bas, tu donnes seulement la main. On détaille tout de toi. Les sorciers aussi voient. Les sorciers, ils voient. Frère, tu ne dors pas, frère. Qui vous coûte? Il fait chaud. C'est pourquoi je ne dors pas. Il m'a dit, Arinambia, je ne dors pas. Yakomba, il a raison. C'est parce qu'il y a la chaleur. Une forte chaleur. Prophétie. Oh, Matabi. Ya kifukutu. De la chaleur. Ah! Laodicée. Laodikia. Aveugle. Qui peut fou. Aveugle. Qui peut fou. Kifukutu ezawa. Kifukutu kile kifukutu. Siko yo moni profesi ya kifukutu. Asa wono na matabiri. Bo wana pe profesi. Eti hile ni matabiri hile. Mama kombo na yonani. Mama njina kwa kunani. Kandi yewe te meparle. Kama Mungu anapendo niambi. Ndiye mekone parmono. Nisha nisho ni yuwa panjina. Ikoneke se ngoindai. Anayua se ngoindai. Fair mbal. Ni nduku mbal. Kandi yewe meparle. Mungu wakata anapenda uniambia. Kwa imasite monono. Atataya njina. Kwa tuati komasi la bo. Sasa wawo naanza mbele kumuliza. Mama Bokele c'est Dieu. Mungu ni Mungu kani. Qui va oublier mon nom? Kula tasabu njina yangu ni Mungu kani. Parce que c'est lui qui m'a créé. Eti juye njani umba. Frère. Nduku. Même mes chevelis. Ata manyele yangu. Il connaît le nom. Anayua buingi buayo. Mena tua. Sasa wei. Ti komaza me demande le nom. Unanza mbele kuniuliza njina. C'est pas Dieu ça. Ule ana Mungu. Ça c'est pas Dieu. Ule ana Mungu. Bon nous ne sommes pas là-bas. Si atuna kule. Entre parenthèses. Ile ni mukato tunafunga. Parce que nous sommes presque à la fin. Dieu t'en a envoyé quand il est comme un chien. Mais quand il me dit une épreuve. Comme on a un pima Mungu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Mungu atafanya nini? Amen. Amen. Prenez-moi Deutéronome. Munichugulie Kumbukumbu la Torah. 28. Kumbukumbu la Torah 22. Qu'est-ce que Dieu va faire? Mungu yatafanya nini? Amen. Amen. Ah, écoute, maintenant Dieu sait ce qu'il va faire pour toi. Si que sasa Mungu kila atakufanyia. Deutéronome. Kumbukumbu la Torah 28. 22:8. Verset 8. Musari ya 8. L'Éternel, Jéhovah, qui parle? Nanule konasema. L'Éternel, Jéhovah. L'Éternel, Jéhovah, ordonnera. Atarusu. Ah. Amen. Amen. Je me limite d'abord par là. Nashimamia kwanza pale. Écoute, ufate. L'Éternel, Jéhovah, ordonnera. Atarusu. À la bene. Ah, à quoi? Atarusu nani? À quoi? Atarusu nani nini? Papa Mbala, l'Éternel va ordonner quoi? Jéhovah Tarusu nini? Lisez, pardon, lisez pour moi. Unisome. Lisez pour moi là-bas. Unisome, pale. Il va ordonner à la Tarusu Baraka. Qui va ordonner? Nanula Tarusu Baraka. L'Éternel. Jéhovah. Va ordonner. À Tarusu. À la bénédiction. Baraka. Continue. À Tarusu Baraka, et pas te quoi na weye. Alléluia. Amen. Quand tu me dis une épreuve, wakati unamupima le Dieu du ciel, Mungu wa kumbingu, l'Éternel, Jéhovah, anaruhusu. Donc moi, Mie, je suis calme. Nekala tu kimya lwangu. Le Dieu du ciel, Mungu wa kumbingu, il bouge, anatenka, il ordonne, anaruhusu, à la bénédiction, baraka, d'être avec. Ikuwe na nani? Na mimi. Maintenant, sasa, c'est pas toi qui va aller chercher la bénédiction. Aina wewe utaenda kutafuta c'est baraka. C'est la bénédiction. Ni baraka. Qui va te chercher. Je nianza kutafuta. Même si tu es à Kambo. Ataka mko mkambo. La bénédiction te localise. Baraka inaanza kutafuta. Le fils, L'enfant du roi des rois. Mtoto wa mfalme wa mfalme. Eko wapi? Il est où? Eko wapi? Non, je suis à Kambo. Niko mkambo. La bénédiction te cherche. Baraka inaanza kutafuta. Il se localise. Inaanza kutafuta. Huko wapi? L'Éternel a déjà ordonné. Anesha kuiruhusu. Donc toi, sasa, tu ne vas plus forcer. Wewe hautakaza bintu. Obuli mwa mke na moto. Unaanguka kiloko na unapima na moto kiloko? 100,000. 100,000. Les autres? Bengine 20,000. 20,000. Ah, journée à l'élopéna. Je suis allé au bas. Ma bé, ma casse. Il y a un bail à ça, on allait. Tobulité. Ah, tutumike. Mais toi. Oui. Après qu'il était. Kisha Ibad. L'Éternel. Yehova. Ordonne au client. À la rousse, va client. De monter sur ta moto. Fanda piki piki. Tu déposes quelqu'un. On a chucha. Moto, moto, moto. Oh, moto, moto, moto. Tu prends encore. On avait à Mwingine. Tu déposes. On a mouchoucha. Tu arrêtes. On a chimane. Moto, moto, moto, moto. Tu montes encore. Pourquoi? Dieu anine. L'Éternel. Yehova. A ordonné. À Nesha rousse. À la bénédiction. Baraka. D'être. D'être. Buana. D'être. Ah, Nesha Kurusu. D'être avec toi. Ah, huko na barua. Ta petite boutique là. Ah, ka boutique ya. Ta petite boutique là. Kale ka boutique yako kaloko. Ka petite boutique yako ya kidogo. Ah, ka petite boutique. Ah. L'Éternel. Jehovah. Va ordonner. Atarusu. À la bénédiction. Baraka. D'être là-bas. Ipate kwa mule. Cette sœur ici. Où dada huyu? Et là, il file la l'erreur. Eko na nkamba mukifuno. Avec cette petite boutique. Na kaka boutique kake kaloko. Mais les enfants sont en train d'étudier. Batoto be unafunda masomo. Les gens qui partent dans cette église là. Bantu bale banengia mu ile kanisa. Ankomaza parler pasteur. Wanzia kwa pastori wabo. Jusqu'au brebis. Kufika na kubaminifu. Ils ont des fétiches. Beko na madawa. Nous avons des fétiches. Ndio tuko na madawa. On a sacrifié notre aîné. Tunesha kutoa mkubwa yetu. Notre grand frère. Mkubwa yetu tulimtoa. Tulimtoa. À la croix. Kumusalaba. Alléluia. Amen. Notre grand frère. Mkubwa yetu. N'a pas porté la veste. Achuvale nkoti. Notre grand frère. Mkubwa yetu. N'a pas porté les chaussures. Achuvale bilatu. Notre grand frère. Mkubwa yetu. N'a pas porté la cravate. Achuvale cravate. Il a laissé ça pour nous. Alituachia bio. Alléluia. Amen. Il a laissé ça pour Alituachia nous. Pour que quand Goinda va venir. Wakati Goinda yatakuya. En veste. Mkoti. Quand Dieu merci va venir. Dieu merci atakuya. Avec. Na yakwe mukoti. Alléluia. Amen. On a sacrifié. Turimutoa. Un certain vendredi. Mushiku mwa kazitano. Là-bas à la croix. Kule kumusalaba. Amen. Amen. L'Éternel. Yehova. Pas seulement la bénédiction. Aina paka baraka. Va être avec toi. Itakuwa na weye. Même dans tes entreprises. Ata mu makazi yako. C'est dans la Bible là-bas. Ni mu Biblia mushuku. Dans tes greniers. Mu mami mkaala yako. Dans tes compagnies. Mumu. Oh. Là, l'école, là-bas où tu enseignes, c'est ton entreprise. À la forêt, là-bas où tu travailles, c'est ton entreprise. Frère, ma sœur, dada, ata osalaka kiboyi, ata kama unatumikaka buboyi. Mais si tu mets Dieu en épreuve, avec le paix qu'on te donne, ile kiloko bayo nakulipa, utafanya mambo munene. Les gens vont s'étonner. Abantu batashanga. Oh non, il travaille chez quelqu'un. Anatumikaka tu kwa mtu. Et il travaillera plus chez quelqu'un. Asta tumika tena kwa mtu. Mungu wa kumbingu. Va te prendre là-bas. Atakubeba. Ya lokotaka na se. Ya nalokotaka chini. Il te ramasse. Anakulokota chini. Et les gens commencent à te regarder. Abantu wanaanza kuangalia yulu. Et comme nous aujourd'hui. Iko sashi leo. Les gens ont peur de nous. Abantu bayo natongopa. Nous. Si. Moi. Mi. J'ai grandi au village. Miri komelea kumukini. On partait à l'école. Turanza kwenda kwa masomo. Avec des kilotes qui sont troués. Na mapacho ya kilote. Les babouches. Ma papa. La gomme. Ma la gomme. Il n'y a même pas de semelles. Ah, il n'attend pas de semelles. Aujourd'hui, singa. Unawea mankamba. Oche ao. Unafunga na masambo. Aujourd'hui, morceau ya njete. Kipande ya ya. Okoti si ao. Unafunga mutu. Uniforme. Uniforme. Eza kutute. Ah, il n'a kwa ta. Sake. Masakoshi. On n'avait pas de sac. Atukwe na masakoshi. Sachet sikre. Sachet ya msukari. Sikre simba. Msukari ya simba. On mettait le cahier là-bas. Zongle tukwa naweka makaye. Et tu prends le cahier. Mle unawea makaye. Ça c'est le cahier. Makaye. Tu fais entrer comme une ça. Ingisha mu uniforme. Maintenant tu viens ici. Sasa unakuja hapa. Frère, c'est comme ça qu'on a étudié. Joy vishi tulifunda. Tu pars à l'école. Où n'est-ce qu'on basomo? Avec la culotte. Na kaputula. Maman mis les fils de sac. Maman a déjà fungé avec la manuche. Ezomo na nanamisu. Aiku noneka na nakumacho. Les cahiers c'est ici. Ma cahier on est où comme chemise? 5 kilomètres. 5 kilomètres. Gauche droite. Gauche droite. Après là-bas. Qui chakule? Maman te dit. Maman nakwambia. Si tu viens de l'école. Tamo na toka kwa masomo. Ta nourriture. Chakula yako. J'ai amené la forêt. Mine je peleka kupori. Donc ça veut dire? Manake. Après l'école. Qui chamasomo? Ne faut même pas traîner au village. Ushikawe mumugini. Parce qu'il n'y a pas à manger. Tu as mona chakula. Maman amené. Umufuate kupori njoo kule waenda chakula. Mashamba. Mais les dieux du ciel. Lakini Mungu akumbii. Nous a ramassé du village. Ali tulokota kutoka kumugini. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui. Sasa leo. On peut être en veste. Tunaweza kuwa mkoti. Mais qui sait ici que moi j'ai grandi au village. Nani ule anayua samiri komelea kumugini hapo. Pime Yesu Kristo. Mais Dieu a les preuves. Il va te ramasser. Atakulokota. Faire même dans la chair. Ata mumwili. Quand il n'a rien. Kama una kitu. On te respecte. Abata kuheshimi. Quand il n'a rien. Kama una na kitu. Même dans nos propres familles. Ata mumajama yetu ya kimwili. Qui va te donner le minimum de respect. Nani ule atakuheshimia hata kiloko. Quand il arrive. Wakati unafika. Qui vient là-bas. Ni nani anakui. Ngoi. Il n'a rien d'abord. Même tes neveux. Jamais bayambayo. Avata kupokeleya. Mais votre cadet. Comme il a l'argent. Quand il arrive. Akifika. C'est tout le monde qui traite. Mbio, tu mpokele. Mpangusa kichipa uwe kuikala. C'est votre cadet. Mais c'est lui qu'on appelle Mukulu. Njoo wananze kuita mukubwa. Mais toi le grand frère. Mukubwa yabo. On t'appelle par ton nom. Wanakuita pa njina yako. Mais lui c'est le cadet. Njoo wa mwisho. On l'appelle Mukulu. Wanamuita mukubwa. Pourquoi? Ya nini? Il a quelque chose. Njoo kwako na kintu. Toi quand tu viens. Wakati wewe unakuja. Qui va faire ça? Nani ule atakupanguza pa kichi? Ya kikuya. Bana mpanguzia pa kuikala. Bana pumputa fashi yote. Mukulumba. Grand frère. Pourquoi? Dieu a dit. Il a la chose. Dieu quoi qu'on a fait ça. Pime Jésus. Mais Jésus a les preuves. Même dans l'église. Attends mon canisse. Quand il y a l'argent. Wakati kuna fedha. Les frères te donnent le Saint-Esprit. Ba ndugu watakupatia Roho Mtakatifu. Que toi-même tu sais que tu n'en as pas. Ile wewe mwenyewe unayasema hauna nayo. Les sœurs. Badada. Te donne le Saint-Esprit. Watakupatia Roho Mtakatifu. Que toi-même tu sais. Ile wewe mwenyewe unayua. En tout cas, je n'ai rien. Shida na kingu. Mais à cause de ton argent. Ya fedha yako. Ah, les frères, Dieu merci. Uyu Dieu ndugu Dieu merci. C'est un bon frère. Ndugu mwema. Non, si il y a des bons frères. Kama kuba ndugu bema. Dans cette église. Oui, kanisa. Les frères, Dieu merci. Ndugu Dieu merci. Ah, en tout cas. Ah, kweli. Dieu les bénisse. Mungu amubariki. Pourquoi je suis bon? Dieu a nini niku mwema? J'ai l'argent. Niku na fedha. Mais toi qui as le Saint-Esprit. Mwenye kwa na Roho Mtakatifu. Comme tu n'as rien. Sa vila una na kintu. C'est toi le sorcier de l'église. Wewe ndio mloji wa mkanisa. So ki kiti e bungi. Kama kiti napotea. La première personne qu'on invite on invite na wazia. C'est toi. Ni weye. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Na silisi eh? Mimi namaliza. Na silisi. Mimi namaliza. Pime Yesu eh? Mais Jésus a les preuves. Dieu te donne l'occasion. Mungu anakupatia bahati. Mon frère. Nduku. Les carreaux ici c'est. Ma carreaux. Il faut combien? Il n'a pas chez ma carreaux ngapi? Frère. Nduk. Bah, tu ne peux pas voir 10 dollars jusqu'au dimanche. Ouais, wesi kwa na 10 dollars kufika na mujuma. Jusqu'au dimanche, tu ne peux pas voir 10 dollars. Kufika na mujuma, wesi kupata 10 dollars. Question kaka, vous ne pouvez pas avoir 10 dollars jusqu'au dimanche. Et kufika na mujuma, wesi kupata ko 10 dollars. On a pas ça veut dire. Kupata avoir, recevoir, avoir. Sir. Dad, tu ne peux pas avoir 10 dollars jusqu'au dimanche. Tu ne peux pas 10 dollars kufika mujuma. On a pas tu peux avoir là. Ah non, tu n'auras pas. Tu peux avoir combien jusqu'au dimanche? Tu n'as pas ngapi kufika mujuma. Pour Dieu. Dieu ya Mungu. Tu veux faire ça pour Jésus. Na nula na pesa. Frère, tu peux avoir combien jusqu'au dimanche? Tu n'as pas ngapi kufika mujuma. 10 dollars, il n'a pas ta frère, il n'a pas ta. Frère, il n'a pas ta. Je paye. Il n'a pas ta. Tu en auras. Ici, tout le monde, il n'a pas ta. Tu vois, tu vas t'appâter. Frère, claveriste, il n'a pas ta. Dada, tu n'as pas ta. Papa, tu peux avoir combien? Tu n'as pas ta ngapi. Jusqu'au dimanche. Kufika na mujuma. Tu fais ça pour Jésus. Ufanya hiyo juu ya Yesu. Frère Tumer, inapata? Utapata? Frère, nduku. Jésus. Yesu. Hein? Na. Quand il s'agit de lui. Wakati ni mambo iko na mwelekea. Quand quand il s'agit de ses problèmes, wakati ni mambo yake, mais lui en est bref, lui-même va ouvrir. Toi dis lui Seigneur, je te mets en est bref, j'ai besoin de contribuer comme les autres, je n'ai rien. Bon, frère, la première personne qui a fait la livraison à domicile, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Livraison à domicile. Et on lui a livré. Livraison. Le diable fait que voler ce que Jésus a déjà fait. Élie, on lui livrait à manger. Élie, on lui livrait à manger. Sœur, dada, frère, sœur, toi tu peux avoir combien? Dada, tu as pas tant gâté. 10 dollars. 10 dollars. Sœur, combien? Dada, mungine. 10 dollars. Maman, maman, combien? 10 dollars. 10 dollars. Maman, combien? Maman, mungine. Apana. Non. Combien? Dis quoi? Dada, combien? La sœur, tu auras combien? 5 dollars ou bien 10 dollars? 5 dollars, 10 dollars. Si c'est 5, tu dis avec 5. Comment les 5? On a quoi, on a 5? Dada, Esther, c'est qui? Esther, Nani. Combien? S'il s'agit d'aller travailler pour Jésus, allez travailler. Dimanche, je vais ramasser pour tout le monde, moi-même. Tu ne peux pas venir voler la parole et puis partir. Frère, venez avec l'argent dimanche. Avant de commencer ma prédication, je vais ramasser ça. Frère, ce qu'il fait là, est-ce que c'est la parole? Il est dans l'exode 25. Lisez pour lui. Exode 25. Frère, ça c'est le message, frère. Lis. Exode 25. Frère, ça c'est pas la parole. Il est en dehors de la parole. Lisez Exode 25. Twende. Allons-y. Exode 25, premier. Moussari Akwanza. Yehova akamwambia Musa na kusema. Landa bien. Ufate mzuri. Vous êtes les enfants de qui? Waambie watoto ya Israel. Vous êtes les enfants de qui? Mungu watoto ya nani? Israel spi. Israel waki, wakiro. Okay. Qui a parlé à Moïse? Manilete sadaka. Le Dieu du ciel a parlé à Moïse. Est-ce que Dieu était incapable de descendre lui-même pour venir ramasser son argent? Mungu ashukue na uwezo wa kushuka yeye mwenyewe alokote fedha yake. Uendelee. Ok. Bon, c'est là maintenant où il y a les problèmes. Il faut d'abord avoir un bon, un bon cœur. Frère, si ton cœur n'est pas bon, n'amène pas. Amen. Amen. Tu as compris que c'est la parole. Hein? Donc dimanche, quand tu viens, ne viens même pas me prédire. Parce que moi, j'ai frère moi-même, même ceux qui ne sont pas là, tendez là un message sur WhatsApp. Ou vous tournez un message. Ici, tout le monde, je vais voir 10 dollars. Vous avez accepté 10, tout le monde. Ici, encore, frère, 10 dollars. On va mettre les carreaux ici. Ce qui est coquité, tu vas qui c'est semaine prochaine. Avant que je ne parte, carreau. À la maison là-bas on a des carreaux. Kunyumba kule tu na makaro. Sasa juu ya nini mkanisa? Mkanisa ya Mungu. Tutashimama. Nous allons nous lever.